Salut à toutes et à tous, on va se marrer. Ah ouais. On va se marrer comme chaque semaine. Quelle équipe. Eh oui, à ma droite, le Jurassic Park des ondes, le Triceratops de la FM, le Terra Nova de la radio, Bob du club. Ah ouais. Salut bravo. Les filles. Bravo. Il est karaté noir. Ceinture noire. À ceinture noire de blague. Vous le connaissez, oui, vous attendez. On l'a dit déjà que lui, c'est un autre genre de dinosaure. Non. C'est lui, c'est un tripotanus. Bah, c'est Maurice. Ah. Je ne dirai rien. Non. Bah, c'est bien. Est-ce que tu nous en as préparé des bonnes pour Pas du tout. Ah, bah, comme d'habitude. Face à eux, un permanent de l'équipe dont on attend le grand retour sur scène dans quelques jours. C'est Frédéric Coster. J'espère que t'as d'autres choses à faire en attendant. Hein. Ils sont en train de renforcer la scène en ce moment. Ça commence. Ma main dans ta gueule, elle va se renforcer aussi. L'émission sera réalisée comme chaque semaine par Davy. Ah, bien sûr. Bravo. En forme. Oui. Et animé par Philippe Bello. Bon, on va être calme aujourd'hui. Ça va être bien, parce qu'il est malade. Alors, cher Frédéric, comme chaque semaine, tu nous as amené un invité. Alors, notre invité de ce soir s'appelle Thibaut Marchand. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Enfin, donc, notre invité d'aujourd'hui. Alors, Thibaut arrive pour nous parler de son spectacle, son one-man show. Oui, qui s'appelle comment ? Thibaut, comment on dit ? Thibaut, c'est facile à retenir, c'est mon prénom. Voilà. Donc, on va laisser Maurice faire la promo. Ah, formidable. Ah, oui. Alors, vas-y, Maurice. Alors, pour venir voir Thibaut Marchand. Non, dans son spectacle Thibaut. Oh là là, ça commence. Il y a un B entre le O. Alors, Thibaut. Ouais, oui. Voilà. Bah oui, oui, elle ne nous regarde pas comme une anguille. Non, mais oui, comme une vieille saucisse. Je voudrais pas voir la gueule de la choucroute. Bon. Alors vas-y, promo Maurice. Alors, allez, madame Grinder. Allez, business is business, on se dépêche. Alors, pour venir voir Thibaut Marchand, pour venir voir le voir au théâtre Pandora. Oui. 30 rue Keller dans le 11e arrondissement à Paris. Ah, j'ai bien connu rue Keller. Ah, mais Gégé n'est pas là ce soir. C'est un animateur qui a bien connu la rue Keller. Par contre, il y a des nouvelles dates. C'est le 21 et le 28 janvier et le 18 et le 25 février et les samedis à 19h30. C'est ça, formidable. Voilà. La promo a été formidable. Bravo, il est bien payé. J'espère pas. Il va y avoir des problèmes. Alors, ce spectacle, ça parle de quoi, Thibaut ? Alors, ça parle de quoi ? Il n'y a pas vraiment d'histoire, en fait. Hein. C'est vraiment du one-man show. C'est sketch, stand-up. C'est vraiment le spectacle pour se marrer, quoi. En fait, donc, il n'y a pas de fil conducteur. Il y a plein de sketchs différents. Voilà, il n'y a pas de fil rouge. C'est vraiment sketch, stand-up. Et puis, faut laisser son cerveau dehors, en fait. Et puis, tout se passe bien, surtout en tant que crise en ce moment. Alors, les thèmes, c'est quoi ? Il y a quand même des thèmes à tes sketchs. Alors, les thèmes, je parle pas mal de mes années lycée, mes années galères au lycée. Oui, car tu es tout jeune encore. Mais complètement. J'ai 24 ans. Oh. Tu te rappelles, Maurice, 24 ans ? Oui, c'était hier. L'entre-deux-guerres. Maurice, 24 ans. Maurice, 5 ans de Gestapo et toujours pas la Légion d'honneur. ils l'ont quand même tourné en 44. Hein. Allez, mais tu te laisses faire, Maurice. Mais vous êtes dans la même équipe. Ah oui, pardon. Est-ce qu'on peut laisser l'invité parler de son spectacle ? Oui, c'est vrai. On a 2 heures. Mais c'est vrai qu'il est un peu là pour ça. Hein. Non, donc je disais, c'est un spectacle où je parle de mes années galères au lycée. Après, je parle vachement de ma jeunesse. Après il y a des sketchs classiques, je fais un médecin sadique, je fais un tournage de film X dans mon appartement. Et là on me demande est-ce que c'est du vécu ? Ah bah oui. Faut venir voir le spectacle. Ah, c'est pour ça que c'est Tib. Après ça s'appellera Tib. Après à la fin. Oui. Et alors une question quand même qui nous titille. Marchand, t'es pas de la famille de si ? À Guy Marchand ? Oui, c'est mon père. Ah. Non, c'est pas vrai du tout. Non. J'ai essayé de percer avec ça. Ne le faites pas, ça ne marche pas. Oui. Non, c'est pas du tout de ma famille. Enfin, je ne crois pas, je demanderai à ma mère quand même. Je serais toi, si c'était vrai, je m'en vanterais pas. Mais... Oh, il est très bien, Guy Marchand. Bah oui, il joue quoi maintenant ? C'est de la trompette, c'est quoi ? La clarinette. Ah, la clarinette. Ouais. Clarinette. C'est pas du violon qu'il joue ? Hein ? Tu te souviens pas, Bob ? Toi, c'est ta génération, la chanson de Guy Marchand, là. Destiné. Ah non, Bob, c'était la chanson d'avant de Guy Marchand, la Passionata. Tango. La Passionata. Il n'arrive plus à le faire, bien, hein, je crois. Ah, oui. Alors Thibaut, tu vas voir que dans cette émission, il y a à boire et à manger. Hein, oui, j'ai vu déjà. Des tournées de blagues, des blagues de Maurice envoyées par des auditeurs dans sa boîte e-mail. Nouvelle boîte de Maurice. Des épreuves. C'est une épreuve, cette émission. Oui. Et la première épreuve, c'est le baptême de l'équipe adverse. Car oui, chers amis, vous formez deux équipes et pour que nos auditeurs... Non, tu l'as pas bien fait, refais. Je peux vous la faire. Car oui, chers amis, vous formez deux équipes. Et pour que nos auditeurs, nombreux, puissent départager et savoir qui joue, nous donnons un nom chaque semaine à nos deux équipes. Qui nous emmerdent, en fait. Alors, Frédéric et Thibaut. Oui. Ah bah, je laisse toujours l'invité choisir, donc Thibaut, c'est pour toi. Ah bah, je ne sais pas, je vois qu'en face, ils ont des belles têtes de vainqueurs. Ah oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur, mais ça n'aurait pas été faux non plus. Oui, hein. Bob est en train de retourner son dentier. Il s'apprêtait à te lancer le dentier. Ah non. Non, non. Alors tête de vainqueur, c'est sympa. Non ah, ouais. Oh, bah là, on a eu pire. Hein. Ah oui, non, mais ouais. je suis un gentil, moi. Tant que c'est pas tête de nœud. T'es un trouillard, surtout. Oui. Alors, vous, c'est tête de vainqueur. Bah, nous, on va les appeler les petits cons. Les petits cons. Sans blague. Non, moi, je veux pas qu'on suive ma promo, en fait. C'est pour ça. Oui. Alors, voici la première question pour les têtes de vainqueur et les petits cons. Ah, c'est la première équipe qui répond qui marque le point. Okay. Attention. C'est un blind test, quoi. Voilà. Quelle danse est née en République... Maurice, écoute bien, ça te concerne. Oui, j'écoute. Quelle danse est née en République dominicaine vers 1850? Flamenco. J'étais pas né. Non. Le tango. Non. La Java. C'est la Java bleue. La tectonique. La Java la plus belle. Celle qui m'ensorcelle. Ah, tourne dans l'autre sens, mademoiselle. J'ai ma jambe de bois qui se dévisse. Bienvenue sur Nostalgie. Oh, c'est même plus Nostalgie. La salsa. La pasta. Oui. La pasta, oui. La salsa. C'est une bonne réponse. Oh, bravo. Merci. Voilà. Bravo. Tu vois que je vais donner le bon fil. Ah, parce qu'en disant quoi? En disant la Java? Oui, la salsa, tu vois. Ah, non, mais la Java, t'as raison, c'est dérivé. C'est un dérivé, de la salsa, voilà. Hein. Ah, oui. Très ancien. N'importe quoi. Alors, mon cher Maurice, je crois que tu as reçu, comme chaque semaine, dans ta boîte e-mail, une blague d'un auditeur. Alors, ça me manquait, ça. On avait oublié. C'est Marie-Jo de Nantes. Ah. La pauvre. Bonjour à nos amis nantais. Le médecin: vous êtes solide comme un roc, croyez-moi. Vous enterrerez votre femme, vos enfants et tous vos amis. Le malade lui répond: vous dites ça pour me faire plaisir. Oui, c'est con, hein. Oui. Non, bien raconté. Avec les virgules et des points, peut-être ça marchera. Mais enfin, on l'a compris quand même. La première blague de Maurice de la soirée n'a pas été foirée, ce qui est quand même extraordinaire. Oui, mais on l'a pas compris. Oui, ouais, ouais. Il manque une fin, non? Mais il manque un début, une fin, un milieu. C'est une blague de Maurice. Voilà. Bravo. Bravo, c'est de Maurice. Marie-Jo. On va voir juste après cette courte pause si Thibaut, tu es capable de faire mieux que Maurice. Oui. Car bien. Ça sera la première tournée de blagues. Ah, ah. Restez avec nous, on revient avec Thibaut Marchand. Oui. Ouais. Retour dans Basse-Marais avec Thibaut Marchand. Oui, oui. Thibaut qui vient nous voir à l'occasion de son spectacle. Le Thibaut Hop. Attends, chèque. Mais qu'est-ce qu'il est con. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Le Thibaut Hop. Eh bien, tu devrais noter, Thibaut. Oui, parce que je note, regarde, j'ai un carnet. Note. Le Bebop, alors. Le Thibaut Hop. Le Bebop. Thibaut. Il n'y a pas de P. Il n'y a pas de P à la fin. Thibaut. Voilà. Avec des voyelles, là. Faut pas déconner. Ah oui, c'est à moi. On cherche les consonnes. Ça, quand qui sonne, c'est dès que tu appuies sur le bouton. Oui, bah, alors Maurice. Oui, alors vas-y, relance. Ah, je relance. Donc, Thibaut Marchand, à l'occasion de son spectacle. Thibaut. D'accord. C'était c'est gay. Pas très vendeur, hein, quand même. Oui. Alors, l'adresse. L'adresse, Théâtre Pandora. Si vous voulez voir Thibaut Marchand, c'est au Théâtre Pandora, dans le Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Le théâtre Pandera, c'est un nouveau théâtre à Paris. Oui, c'est voilà. Pas loin. C'est à côté du théâtre Pandora. C'est pas très loin de Bestille. Oui. Métropolitaine. Voilà, c'est Métropolitaine. C'est la, dans la rue Marc Keller. Ou Petrujolin. Voilà. On peut aller sur Petrujolin. Dans ton spectacle, t'as pas un personnage avec des défauts de prononciation? Non. Ah bah sinon, Maurice peut t'écrire un sketch. Hein, oui. Tu l'appelles, tu lui passes un petit coup de fil. À côté de la gare de Lyon. Mais c'est dans le 11e arrondissement. C'est ça. Bon, on a compris que c'était au théâtre Pandora à Paris. Je crois qu'on a perdu Maurice. Voilà. Dans le 11e. Est-ce que tu as déjà des dates prévues en est-ce province? Est-ce que tu as déjà des spectateurs? Non. Pas encore. Non. Oui, j'espère que vous viendrez. Bah oui. Non, j'ai pas encore de date en province. C'est d'accord. Pas... Mais on peut te retrouver sur Internet. On peut me retrouver tibmarchand.com, c'est le nom du site. Tibmarchand. Avec un H. Et sur Facebook. Ou sur Facebook, Thibaut Marchand, j'accepte tout le monde, même les psychopathes récidivistes. Maurice, je ne t'ai pas encore. J'attends ton invitation. Bon, eh bien, avant d'aller au théâtre Pandora et découvrir un extrait tout à l'heure du spectacle de Thibaut, voici la première tournée de blagues. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Maurice, il y a longtemps que t'as pas eu de sponsor. Oui, exactement, vas-y. France Alzheimer présente la blague de Maurice. C'était pas... Devant un magasin de musique, un client s'étonne auprès du vendeur. C'est la première fois que je vois dans un magasin d'instruments de musique vendre également des armes. Vous savez, monsieur, quand quelqu'un vient m'acheter une trompette, il n'est pas rare que quelques jours plus tard, son voisin vienne m'acheter un revolver. Oh! C'est Milton. Dis papa! Ta gueule! Hop, on n'a pas entendu le sponsor de Bob. La blague de Bob, sitôt racontée, sitôt coupée. Dis papa, c'est quoi la différence entre la richesse et la pauvreté? Eh bien, vois-tu, la richesse, c'est le caviar, le champagne, les femmes. Et la pauvreté, c'est les sardines, la bière, ta mère. Alors c'est madame Cohen qui téléphone à son journal local. Allô, oui, je voudrais parler au responsable de la section d'écologie, s'il vous plaît. Oui, oui, bah très bien, oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voilà, j'aimerais passer une annonce. Oui, madame, bah, je vous écoute. Quel est le texte? David Cohen, il est mort. Bah, c'est tout, David Cohen, il est mort. La rubrique nécrologie. Oui, c'est bien, qu'est-ce que j'ai dit? Non, j'ai compris la rubrique d'écologie. Nécrologie. Dis que j'ai un accent aussi. Bon, écoutez, madame, pas de problème, mais c'est tout, David Cohen est mort. Bah oui, c'est tout. Bah, attendez, vous avez droit à 4 lignes pour votre annonce, c'est compris dans le prix. Ah, d'accord. Bon, alors vous mettez, David Cohen, il est mort, Mercedes 300 SL à vendre. Bob, est-ce que tu connais l'histoire de Sarkozy qui est au bord d'un précipice? Non. Moi non plus, mais elle commence bien. Il va avoir des problèmes. Oui, je crois plus rien, tu sais. Moi, j'ai pas de jingle, moi. Ah, on n'a pas eu le temps de t'en faire un encore, mais on peut t'en faire un en direct. Maurice, fais-lui un petit jingle. Non, j'en ai pas, moi. Si, et voici en direct la blague de Thibaut. Non, il s'appelle pas Thibaut. Allez, vas-y, Maurice. Si, c'est moi. Thibaut Marchand. Alors, vas-y, Maurice, fais-lui son petit jingle. Voilà, vas-y, mâche bien. Oui. Mâche bien ton curly d'abord. Hein? Voilà, mâche ton curly, remets ton dentier et vas-y. J'en ai pas de dentier. Oh là là là, oui, bah ça. La blague de Thibaut Marchand, en direct. Formidable. Yvette, ton mari va se jeter par la fenêtre. Dis à ce con qu'il a des cornes, pas des ailes. Bon, il a tout compris. Alors, dans l'émission, on a une épreuve qui s'appelle la main pense. Ah oui. J'essaie de vous faire trouver, là en l'occurrence, un personnage. Mm-hmm. Je vous donne des informations pendant 10 secondes. Mm-hmm. Si vous trouvez, tant mieux. Si vous ne trouvez pas, la main pense. Eh ben, tant pis. Et c'est l'équipe adverse qui a 10 secondes d'informations. Et c'est bien entendu l'équipe qui trouve la première, qui donne la bonne réponse, qui marque le point. Donc, Bob, est-ce que tu es prêt? Bob, est-ce que tu es prêt? Oui. Donc on va commencer par l'équipe qui est menée, en l'occurrence l'équipe des têtes de vainqueurs. À chaque fois, je crois que tu vas dire autre chose. Alors, top. Je suis une actrice française. née le 28 janvier 1918 au Kremlin-Bicêtre et morte le 15 juin 2005 à Paris. En quelle année elle est née ? Il n'écoute rien. Hein. Ouais, 1918. Non, c'est pas qu'il écoute rien, c'est qu'il n'entend rien. Ah oui. En 1918. Branche le sonotone. Morte en 2005. Maurice. Oui, tu, comment atmosphère comment, Arletty. Non, c'est pas Arletty. Non. Qu'est-ce que vous me proposez bon. Ah, Bob dit Arletty. Comment il a dit Arletty. Arletty. Non ah oui. Il est sourd. Il est vous sourd, connaissez le Muppet Show, non Il manque le troisième, là. Oui. Alors vous me dites... bah, on a dit Arletty, ça ne suffit pas. La main passe. Ah, allez. Quand même. Là, maintenant, c'est pour vous. Ah. Top. Issu d'un milieu modeste, j'ai découvert la comédie grâce à l'une de mes institutrices qui m'a appris à bien dire les vers et qui, surtout, m'a donné le goût de les réciter. Après avoir été quelques mois... Tu devrais connaître, toi. J'ai reçu un SMS, Philippe. C'est Manu qui arrive. Une actrice morte en 2005, née en 1918. Donc, elle avait un peu moins de 90 ans. Oui. Donc, c'est pas Paulette Dubos parce qu'elle était beaucoup plus âgée que ça. T'as des noms, toi. Non, plus de 80 ans. Oui, ne crache pas, Bob. Je crache pas. Alors, j'en ai strictement... Ah non, moi non plus, là, je ne peux pas t'aider. Qui c'est que... Non, bon, était la main, la main repasse. Top. Après avoir été quelques mois à la secrétaire d'Edith Piaf, je monte sur les planches en 1943 ah, oui. dans Le Survivant de Raymond Rouleau, puis l'année suivante dans Antigone de Jean Anouilh au théâtre de l'Atelier. Je fais mes débuts au cinéma. Oui, oui, je vois qui c'est. Une petite boulette blonde là. Mais son nom, je sais pas. Quand il va commencer à dire les titres de films, peut-être que ça va venir. Maurice, oui, c'est pour toi. Toi qui étais branchée vieille actrice. Oh. Bah si, c'est vrai. C'est lui-même une vieille tragédienne. Non, rectification, c'est une vieille tragédie. Connasse. Non, et voilà. On ne sait pas. La main repasse. Je la vois. Bon, c'est à toi, Fred. Oui, moi aussi, je la vois. Oui, bien top. Sûr. Je fais mes débuts au cinéma en 1947 dans Capitaine Blomet. Ah, oui. J'obtiens la notoriété avec des pièces comme L'Alouette ou La Petite Hutte. J'affiche aussi régulièrement sur les grands et petits écrans. Ça, c'est ton côté Julien Lepers, donc. Voilà. Que je l'aime, ce jeu. Ouais. Exactement. Moi, j'ai rien, là, Frédéric. Hein, Frédéric doit le c'est savoir. Pas c'est pour Frédéric, de toute façon. Ah, oh, d'accord. Si Frédéric ne trouve pas, il est viré. Ah, putain, trouve Frédéric. Voilà. Il est viré. On va téléphoner à son patron. Non, mais c'est dans le genre Madeleine Renaud et trucs comme ça. Mais Madeleine Renaud était plus âgée, donc c'est pas ça. Allez. Moi, je pense que non. Hein. Madeleine Renaud, non. Non. La main repasse. Maurice, écoute bien. Top. Je joue régulièrement avec des metteurs en scène tels André Barsac, Jean Villard. J'ai tourné avec John Huston, Orson Welles, Joseph Losé, Jean Becker. J'ai également joué dans le complexe de Philémon avec Henri Guizol. Je me rappelle pas du nom. Hein. Elle est morte, elle avait environ 80, un peu plus de 80 ans. Ouais, mais plus que ça même. Non, 18. 18, pour aller à 2005, ça fait presque 90 ans, donc 80, avec 87 ans. Bon, ça va vous aider. C'est exactement ce que je viens de dire. Ça fait là, quand même deux jours qu'on joue, là. Là, ça va vous aider. Ah, s'il te plaît. Voilà. Non, nous, on trouvera pas. Bah, non, après, j'ai plus d'infos. Après, il faut trouver. Top. À 81 ans, je joue sur les planches dans L'Amante anglaise de Marguerite Duras. Et j'aurais dû jouer fin 2005 à Paris dans Savannah Bay. J'ai une voix caractéristique, chaude et légèrement pointue. Et atmosphère. Non, mais on t'a dit que non. Marlène, non ? Mais c'est pas à toi. Marlène Dietrich, oui. Ah oui. Avec sûr. Un léger accent, alors. Hmm. Marlène Dietrich, elle avait disparu des écrans radars depuis les années 60. Pauline Carton ? Non. Oh, c'est pas possible. Alors là, si vous ne trouvez pas, c'est des. C'est à nous. Là, je suis dans la merde. Top, elle a été. Enfin, j'ai été pendant plus de 60 ans une valeur sûre du théâtre français. Je m'appelle Suzanne. Flon. Mais non. Ah, bah, si, Suzanne. Si, c'est possible. Suzanne Flon. Non, c'est pas. Suzanne Flon. Quelle est votre réponse? Parce que là, Notre réponse, c'est Suzanne Flon, et puis c'est tout. C'est une bonne réponse. Ah, bon. Mais c'est vrai que c'était beaucoup plus une actrice de théâtre que de cinéma. Tout à fait. Elle a été extraordinaire. C'est elle qui joue dans La Boum ? Non, c'était Denise Gray. Ah, c'est Denise Gray. Mais elle, joue, Marceau, elle jouait dans... Oui, non, non, mais la vieille. C'est le choc des générations, là. Je suis désolé. Non, mais Suzanne Flon, elle jouait dans L'été meurtrier. Mais t'étais pas née, toi, quand La Boum est sortie? Ah ben non, c'est pas... Oui, non, mais je connais Sophie Marceau plus que Suzanne Flon. Attends, hein. Super grand-mère. Qui? Denise Gray. Denise Gray. Ah, dans La Boum. Enfin, dans Bob, surtout, il regarde les films de Suzanne Fion, lui. C'est d'autres films. Oui, oui. Et Suzanne Flon, elle était dans les films. Non, mais attends, j'entends pas bien les... Les dialogues. Les dialogues, ça fait... Ah oui. Ça ah oui, t'es le décodeur, oui. Voilà, t'es pas abonné à Canal, en fait. Non. Ah, c'est tu sûr. Regardes les pornos sur Canal sans être abonné, en fait. Bah oui. Mais ça fait, ça fait 10 ans que ça fait plus ça. Avec des torchons à jurer. Moi, ça fait ça. Ah oui. Parce que tu n'as pas la TNT encore. Ah non. Non, mais Bob, il reçoit, il reçoit la TSF. Le RTS. C'est ça aussi. Donc je disais, Suzanne Fond était dans L'été meurtrier, elle était très bien. Bon. Bien là. Dans quelques instants, nous allons solliciter Thibaut. Et oui. Mon Dieu. Pour un petit extrait du spectacle. Oui, avec allez. Plaisir. Juste après cette courte pause, on revient avec Thibaut Marchand. Oui. Retourne, on va se marrer avec Thibaut Marchand. Ah ouais, ouais. Alors, pendant cette courte pause, nous avons été rejoints par un habitué de l'émission qui était un peu en retard. Il en faut. Forcément, quand il y a l'émission à la radio, il dit à sa femme qui vient à la radio, mais il en profite pour tirer un coup avant de venir, c'est Manu. Ah oui. Bravo. C'est tellement vrai. Ah puis en plus, Manu colle parfaitement, c'est dommage, chers auditeurs, vous ne le voyez pas, oui. Mais colle parfaitement avec le nom de son équipe. C'est vrai? Ah oui. Ça, je viens d'arriver, moi je connais pas le nom de l'équipe ce soir. C'est donc, tête de vainqueur votre équipe. C'est ça, ouais, regarde, nickel, tu vois. Je peux alors, passer à la télé avec ça. Tu et vois. On le disait avant de prendre l'antenne, Manu, c'est vrai qu'ici présent, on le connaît depuis l'âge de 17 ans sur cette radio. Ouais. C'est vrai qu'il est venu à nombreuses émissions à l'époque. Ça fait 21 ans. Très jeune. Je te ferai remarquer que toi aussi. Oui. Je te connais depuis que tu as 17 ans, même 16. Oui, mais c'était pas la même année que Manu. Non. Ah non, c'était bien avant, c'était au siècle dernier. Autour de cette table, il n'y en a pas beaucoup qui étaient nés en fait, à part Maurice. Alors que toi, Bob, je me sens jeune pour tes 16 ans. Ah bah j'écoutais la TSF. T'as serré la main du président Lebrun quand même. Eh oui, eh oui. Mais alors, on parle de jeunes et d'enfants, et moi je me demande quand même si justement Thibaut s'inquiète de l'avenir de ses enfants. Ah bah, complètement. Moi, je me demande ce qu'ils vont vivre, mes gamins. Ça n'avait plus d'imagination maintenant, les gamins. On le voit maintenant, ça reste enfermé dans le salon à jouer à la Nintendo Wii. Ils font tout avec le Wii, hein, avec la Wii. Ils font du sport avec le Wii Sport, ils font du fitness avec la Wii Fit. Bientôt, ils seront dépucelés avec Wii Fuck. Non, moi, je me demande quels grands événements ils vont vivre. Moi, j'ai vécu le 11 septembre 2001, j'ai eu l'élection de Barack Obama, j'ai vécu la mort de Michael Jackson. D'ailleurs, j'ai vu ce matin sur Internet qu'ils allaient ressortir un nouvel inédit de Michael Jackson. Ah. Il y avait un extrait audio, peut-être que vous avez entendu, ça fait « Because I'm dead, I'm really dead ». L'autre fois, j'ai eu des problèmes, elle passe pas toujours. Ah, celle-là. Il y avait trois gros fans de Michael Jackson dans la salle, j'ai fait 3 jours de coma. Non, il va vivre quoi, mon gamin? Il va vivre l'élection de Jean Sarkozy en 2022. Non, je sais pas. Si, je sais, l'événement qui va traumatiser mes gamins, la mort de Justin Bieber. Ah, puis on sait déjà qui va commenter l'événement, hein. Putain, Justin Bieber est mort, quoi, à l'âge de 27 ans, comme Jim Morrison ou Amy Winehouse. Justin est mort étouffé dans son vomi, comme le grand Bon Scott ou Jimi Hendrix. C'est ce mois-ci dans Rock et Folk, les pépères. Bonne lecture et Led Zeppelin Rock. Je vous la fais gratos, c'est là. Puis voilà, faire de la guitare électrique. Hein. Oui, nous les garçons, on a tous voulu faire de la guitare. Hein. Et puis nous les garçons... Enfin, moi, en tout cas, je croyais qu'on savait jouer de la guitare comme ça, sans prendre de cours. Ah oui. Ah ouais, moi, je me suis dit, lundi, j'achète ma gratte. Mardi, les gars, je fais péter le solo d'I Way to Hell sur une guitare en flamme. Ça te la coupe, hein? Bon, ben, j'ai pété deux cordes, je ne sais pas les changer. Puis quand il jouera, je ferai le connaisseur, tu sais, j'arriverai, je fais, alors, fiston? Bon, là, déjà, tu vas te dire, ça va être un père ringard, hein, pour appeler son gamin fiston. Je vais dire, alors, on accorde sa gratte? Mais non, papa, faut faire une mise à jour sur la PlayStation 4 en la branchant avec le câble HDMI. J'ai fait encore plus le connaisseur, je vais faire « Allez, fais péter un solo, voilà Jimi Hendrix !» Bon, déjà, un, il va me demander qui est Jimi Hendrix. Et deux, il va me faire « Putain, papa, t'es vraiment trop con, ça marche en rond, rond, carré, R1, R1, triangle, croix, rond, triangle, R1, R1, triangle, croix. » Ouais, c'est toi le musicien, enfin, si on utilise encore ce mot. Allez, check mon garçon, check, check, ça veut dire taper dans la... Oui, bah ça va, c'était à la mode, moi, de checker à mon époque. File dans ta chambre, fils de conne. Et puis puis je le raconterai. Et puis je le raconterai la Troisième Guerre mondiale qui a éclaté en 2012 lorsque le Führer s'est fait plaquer par sa femme mannequin. Ah, chroniqueur de gauche donc ce soir. Puis à 6 ans il voudra un portable ce con. Hein. Moi j'ai eu mon premier portable à 15 ans. T'as dû avoir le même portable que moi d'ailleurs. J'ai eu un Nokia 3310. Tu te souviens du 3310? Ah oui. C'est l'iPhone de ma génération. Hein. Il y avait un jeu dessus. Tu te souviens du jeu? Le serpent, le snake. Ça, on se l'a pété dans les cours du lycée. On était là. Ouais, j'ai fait 3 643 680 490 poids au snake. Tu veux sortir avec moi? et puis on était là. Et tu sais combien je peux rentrer de textos en mémoire? 10. Et ce portable a une particularité, c'est qu'il vibrait très très fort. Hein. D'ailleurs, t'entendais plus le vibreur que ta sonnerie polyphonique de Friends, tu sais, téléchargée la veille. T'as vu? Trop ressemblant. Tu le posais par terre, il tournait tout seul, le truc. Il s'enfonçait dans la terre même des fois. Oh putain, du pétrole. Et d'ailleurs, et ça très peu de gens le savent, mais énormément de jeunes filles ont découvert leur sexualité un 3310 dans la poche. Allez, Thibaut Marchand, on va aller voir son spectacle, Maurice. C'est au théâtre Pandora, dans le 30 rue Keller, dans le 11e arrondissement à Paris. C'est tout, c'est les dates, c'est le 21 et le 28 janvier, et le 18 et le 25 février, le samedi à 19h30. Pour y aller, vous pouvez y aller en métro. Ah oui, on peut. Hein. Oui. Sur les différentes lignes, ligne 5, Breguet-Sabin, Bastille, ligne 5 et 8. Et Voltaire, ligne 9. Et heureusement que j'ai le flyer à côté de moi, sinon j'aurais rien compris. Moi. Ah non, il l'a bien fait, là. Il l'a bien fait, quand même. Merci, Maurice. Ta gueule, toi. Il y a les sites internet. Oui. Site internet. Alors, mon site, c'est pas le bon site, il a changé depuis. Hein. Le site, c'est tibmarchand.com ou sur Facebook, Thibaut Marchand. J'accepte tout le monde. Voilà. Ah, Maurice. Alors, excuse-moi, enfin, les gens qui verront l'affiche. T'avais pas fini de manger, non? Exactement, pour la photo, voilà. C'est ça? Ou tu sortais de table? Il sortait de table. Voilà, j'avais un repas de famille, et puis on a dit. Non, mais c'est pour faire un peu écolo, il y a la feuille de salade verte, tout ça, c'est. Non, pas du tout. Tu ratisses large, non? Non, je suis pas de ban écolo, en plus, j'essaye d'être écolo, mais. Alors que Maurice, il est alcoolo, lui. C'est pas Ah, tiens, coup. Puisque Maurice a le crachoir. Et développement durable. Puisque. Comme les lapins. Je propose de faire une petite roulette russe. Ah! Alors la roulette russe, c'est très simple. Et Bob, on n'influence pas Thibaut. Non. Maurice a toute une collection de blagues fétiches qu'il raconte régulièrement dans l'émission. Et on propose à l'invité donc des mots qui correspondent à ces blagues. D'accord. Tu dis stop quand tu veux. Et automatiquement, sans ces notes. Instantanément. Maurice raconte la blague en question. Maurice, t'es prêt? Oui. Bon. Alors top. Roulette russe. En quelle année? Skieur juif. Star Wars. Vache. Ostréiculteur. Araignée. Perchiste. Roue de secours. Stop. Ah, top. Alors la blague du roue de secours. Alors, qu'est-ce qu'un requin dans un sidecar? Qu'est-ce que ça peut bien être? Allez, il faut lui dire je ne sais pas. Mais je ne sais pas, Maurice. D'ailleurs, Maurice, je remarque. Acteur studio. Hey, Maurice, je remarque quand même que tu t'es pas adressé à Thibaut. Ah, oui, c'est vrai. T'as pas demandé à Thibaut. Cher Thibaut. Cher Thibaut. Mon cher Thibaut. Voilà. Qu'est-ce qu'un requin dans un simcar? Dans un cimetière? Pas un simcar. Non, je connaissais les simcars. Bon, alors. La sim Camille. Alors. Regarde mon cher. Comment il s'appelle déjà? C'est mon cher Thibaut. Ah, c'est Maurice. Qu'est-ce qu'un rouquin dans un sidecar? Ah. Je ne sais pas, Maurice. Un rouki. C'est bien, il l'a bien réussi là aujourd'hui. Et puis tout le monde l'a comprise. C'est pas vrai. Non, c'est mais quand non. Même là, tu te fous de moi, Maurice. C'est beaucoup amélioré. Là, tu te fous de moi. Ça va tomber, Maurice. Elle va tomber parfaitement. Bah, je trouve que Thibaut, elle va tomber là. Oui. Thibaut aimerait bien comprendre la blague. Oui. Elle a l'air bonne. Tu recommences depuis le début, s'il te plaît. Un roux qui quoi? Alors, vite. Mon cher Thibaut. Ah. Qu'est-ce qu'un roux dans un sidecar? Bien. T'as dit un roux, je crois. Un rouquin dans un sidecar. Je ne sais pas, Maurice. C'est un roux qui coule. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas possible. Ah ben, il ne le fait pas exprès. Il a réinventé. Je précise. C'est notre blague. C'est une nouvelle. Mais qu'est-ce que c'est, ça, merde. Un rookie. Je précise parce que notre public est médusé. Non, parce il ne le fait pas exprès. C'est un médusé puisqu'on ne comprenne pas la parce blague. Il y en a une comme ça avec une histoire de roux. Tu veux que je dise un autre mot peut-être. Essaye avec chou. Tu t'es trompé avec la blague des pigeons. Je l'ai pourquoi pas la blague. Les pigeons roux ne savent pas nager. Dans ton micro, Maurice, voilà. S'il te plaît. Je ne sais pas, Maurice. Celle-là, voilà. Parce que les pigeons roucoulent. Voilà. Alors, bon, la blague du sidecar. Maintenant, la blague du sidecar, s'il te plaît. Le sidecar. Mon cher Thibault. Oui. Qu'est-ce qu'un rouquin dans un sidecar? Je ne sais toujours pas. C'est un roux qui... Un roux... Oh non. Il vient de dire oui, ça y est, je l'ai. Il a oui, 6 secondes de mémoire. Mais c'est, comment il s'appelle le poisson? C'est Dory. Mais c'est Dory dans Nemo. Il a 2 secondes de mémoire vive. Pas plus. Maxi. C'est pas vrai. Il n'y en a pas. Allez. Allez. Mais de la rame. Fais-la bien qu'on puisse rendre l'antenne. Oui. J'en ai marre. Bah oui, mais attends, pense un peu à Thibaut qui est venu là ce soir, toute confiance. Et moi, donc. J'ai avoir des bonnes blagues. Oui, il les connaît, les bonnes blagues. Mon cher Thibaut. Oui, Maurice. Qu'est-ce qu'un roux dans un sidecar? Ah, je ne sais pas. Un roux. De secours. Alors, un quoi? Un roux de secours. Ah oui, oh ah ouais, bravo. Non, on laisse tout. Ça s'appelle pas du montage, ça s'appelle les archives. Allez, juste après cette courte pause, Thibaut, nous allons tirer 2 cartes dans le boîtier du trivial. D'accord. Donc, il faut rester attentif. On revient juste après cette pause avec Thibaut Marchand. Ouais. Ouais. Retourne, on va se marrer avec Thibaut Marchand. Ouais. Mais non, mais c'est parce que j'ai ma prise de sang demain matin, donc faut pas que je me couche trop tard. Ah pardon, on est à l'antenne. Oui. Alors Thibaut, dont on a découvert tout à l'heure un premier extrait de spectacle, tes inspirations, ça vient d'où? Bah les inspi, ça vient de la vie. Les inspi, tu dis quoi? Les inspi, ouais. Ah, les inspirateurs, des fois je dis, ça peut m'arriver. Non, ça vient de la vie quotidienne, la télé aussi. Beaucoup. Maurice. Beaucoup la télé. Moi je suis. Maurice. Oui, peut-être ce soir. Ouais, pas. Ça peut te donner des idées. Ah, c'est toi qui écris tes sketchs. Hein. J'écris tout, j'écris tout, je mets en scène aussi. Ah, c'est bien. Et c'est la première fois, c'est ton premier one man? C'est mon premier one man. Enfin, il a vachement évolué depuis, mais ouais, c'est mon premier one man. Et sinon, ouais, la télé, moi je suis très fan des émissions, tu sais, genre Confession intime. Ah, c'est extraordinaire. C'est magique, ça, c'est formidable. Tellement vrai sur Énergie 12. C'est une mine pour écrire. Ah oui, tu peux regarder ça 30 secondes et puis c'est bon, quoi. Oui, tu fais un film même. Ah, bah, oui. Moi je confesse, en un seul mot, quand je tombe sur Confession intime, je suis fasciné, je reste dans jusqu'au bout. Ah oui, on est fasciné. Ils sont fascinants de conneries. Ah oui, j'écoute Johnny alors. Ouais. Oui, bah là, c'est les Johnny, les fans de tuning. Il y en avait un qui bossait, qui était fan de Johnny, qui bossait dans un supermarché, et il s'était fait muter au rayon pas Terry parce que c'est ce qu'il aime bien Johnny. Alors comme ça, je pense à Johnny. Ah oui. Ouais, non, il y en a des graves. Hein. Ah, oui, bon, alors donc une nouvelle épreuve. Ah. Oui. Pendant la pause. J'ai tiré au hasard. Oui, mais les gens le savent maintenant que tu tires au hasard. Et avec toutes les maladies qui traînent, c'est pas sain, Philippe. Oui. 2 cartes dans le boîtier du trivial de 1984. Oui. Rappelle-nous ta date de naissance. 87, moi. Ah, t'étais pas né donc. Eh non. Donc 2 cartes. D'accord. Historique. La date est importante. Hein. Oui, parce qu'il y a plusieurs des questions qui correspondent à l'époque, dont la réponse a changé aujourd'hui. Donc, 2 cartes. Voilà. 2 cartes, oui. Une par équipe. 6 questions sur chaque carte. Mais quand même. Le but du jeu étant de répondre au plus grand nombre de questions sur chaque carte pour marquer le plus grand nombre de points. Un point par question. D'accord. Si toutefois vous savez répondre à une question directement sans vous consulter, c'est-à-dire sans parler avec Fred, vous dites cash et vous donnez la réponse. Ah oui, et si c'est la bonne réponse, c'est 2 points. Nous allons donc commencer par faire choisir la carte à Bob, car sinon il y a des réclamations à l'issue de l'émission. Oui, bah, il y en aura de toute façon. Il dit toujours que c'est truqué. Alors Bob, la question numéro 1 ou la 2? Je crois que c'est contrôlé par un huissier d'ailleurs. Manu. La 1 ou la 2? La 2. Sachant que la 1 est plus facile. Oui, mais je veux la 2 moi. C'est une grande responsabilité, Manu, pour toi. Donc et nous allons commencer. On joue contre 3 personnes maintenant. Voilà. D'accord. Voilà. Ouais, deux et demi. Enfin, dans l'équipe, il y en a un qui joue avec vous. Oui, oui. Eh ben, on a, y a un intrus chez nous. Ouais. Donc, je vous pose les questions. Est-ce que vous êtes prêts? En deux mots. Mais c'est bon, c'est. Maurice, bien sûr, si tu as la réponse cache. Oui, je cache tout de suite. Hein, n'oublie pas, parce que c'est quand même. La couleur des Schtroumpfs, Maurice. Ils sont violets maintenant. Voilà. Voilà, ça se promet. Ça se rapproche. Top! Quelle ville est synonyme de 0 degré de longitude? Ah oui, c'est. Tu dois connaître. Greenwich. Cash? Oui. Greenwich. Bonne réponse. N'oublie pas de dire le cash, hein, sinon. C'est Two points. Qui a réalisé le film Chinatown? Maurice, cash. Ah non, moi, pas cash. Non. Manu, tu sais ça? Non. Chinatown. Tabata, c'est un américain? C'est un petit. Ah, Maurice, un petit réalisateur. Mais qui est grand dans l'art du cinéma. Ah ouais, celui qui a fait New York, là. Ouais. Le petit, là. Ouais. Non. Bah moi, je connais pas du tout. Hein. Maurice au hasard, un acteur, un réalisateur. Allez, Maurice, lance-toi. Allez, un réalisateur au hasard, ça peut être le bon. Cécile B2000, ça. Gérard Houry. Bon, alors, est-ce que. Je sais pas. Est-ce que Frédéric aurait la réponse? Oui, c'est Roman Polanski. Oui, c'est correct. Ah oui. Tu dis Roman Polanski. Il est suisse, je crois. Hein. Oui. Alors, quel apiculteur? Obligé. Ah, quel apiculteur? Apiculteur. A escaladé le mont Everest. Parce que tu connais les apiculteurs, toi. Moi, aucun. Mais c'est la question qui est le mont Everest, c'est machin. Mais bon, je savais pas qu'il était apiculteur. C'est Hillary machin, là. Hillary. Allez, ça va te suffire. Hillary. Tu me dis Hillary. Tu aurais dû dire cash car c'est la bonne réponse. Ah. Ah oui, donc ça fait un point. Un au lieu point. De deux. Eh oui, ça se bouffe. Ah oui, t'as pas dit cash. Quel opéra de Mozart retrace un itinéraire initiatique? Elle est bien cette musique. Ah, quel opéra? On n'a pas l'occasion de l'entendre très souvent. Oui. Bien, alors. David Guetta. La 41e 84. Symphonie. Un opéra de Mozart qui retrace un itinéraire initiatique. Initiatique. Maurice. Non, c'est pas Mozart. L'opéra, mais je suis ouf. Maurice, pense à un opéra que t'aimes bien. La Traviata. La Traviata. Ça, c'est pour Maurice, la Traviata. C'est drôle. Alors j'en bois un coup, tiens. On va chercher un opéra de Mozart. Puis là, on les trouve alors, pas. Alors, moi du tout. Hein. Non, Maurice, un opéra Figaro que t'aimes bien. C'est pas Mozart, c'est Beaumarchais. Figaro. Il y a opéra. La flûte enchantée. C'est correct. Ah, oh là là. Excellent. Bravo, ah oui, bravo. Ah oui, là. Ah bah, il aime pas. Il aime surtout. Oui, T'aurais dû dire cash. Eh oui, ah bah, attends, ils se sont concertés pendant deux jours. De qui est l'idée originale? On veut pas tricher, nous. Depuis? De qui est l'idée originale du dôme géodésique? Qui c'est celui-là? Je vais vous laisser. Vous avez prévu que l'autre carte était plus facile. C'est quoi cette carte? C'est un géographe. Vous avez prévenu. C'est bah, pas... Si vous le savez pas. Non, je sais pas. Je sais, certainement. Mais là, Alzheimer. Ça a été créé au puits déjà? Oui. Le puits du dôme. Le puits de dôme, oui. Le puits de dôme. Ah, bon, c'est là. Ah, ouais, alors, si vous savez qui a eu l'idée originale du dôme géodésique. Mais je vais te le dire. C'est la géode, c'est non? C'est Archimède. Et c'est mauvaise réponse puisque c'est Buckminster Fuller. Ah, oh, je l'avais. Ah, moi je connais que Price Minister. C'est pas le même. Non, c'est pareil. Et enfin, quel pays est revenu après 40 ans d'absence aux Jeux Olympiques d'été en 1952? En 52? Ouais. Et combien d'absence? 40 ans d'absence. 40 ans d'absence, mais depuis le début. Dans le jeu date de 84, donc. Oui. Donc le nom du pays est très important. C'est un pays qui existe encore. La date du trivial aussi. Oui, mais par contre, la place de ton micro, c'est devant, pas à côté. Le pays, je pense à la Chine, mais... Le pays existe encore? Oui. Ah, bon. Ah, il existe encore le pays ou pas? Oui. Le pays... Ah, stop, ne dis plus rien. C'est pas la Chine. Ah, l'URSS. Ah, c'est l'Union soviétique, alors. Ouais. Et c'est correct. Ah oui. Eh ben oui. Bonne réponse. J'aurais dû fermer ma gueule. Oui, c'est vrai. Merci, Fred. Non, mais, hé. à l'issue de cette première carte, quand même, 6 points de marqué. Oui, attends, pas mal. C'est pas fini. Ah, parce que t'as aussi l'intention de marquer des points, voilà, sur leur carte. Piquer des points, il m'en a piqué un en passant là. Pour la salsa. Ouais. Non. Thibaut, il t'a pas piqué de points. Non, je croyais que. Ah non, c'est Fred qui t'a piqué le point de Roman Polanski. Polanski. Petit comme ça. Et voilà. Donc, juste après cette courte pause, c'est votre carte, Thibaut. D'accord. Donc, Vous vois maintenant ? Non, mais vous, je parle de vous deux. Ouais. Voilà. Non, moi, je n'existe plus. Je ne suis plus rien pour toi, ça y est. Donc, on revient avec Thibaut Marchand juste après cette courte pause. Restez avec nous. Retourne, on va se marrer avec Thibaut Marchand. Ah oui. Thibaut qui est prêt à tout dans cette émission. Ah oui. Et notamment. Oh, peut-être pas à tout quand même. Hein, Et notamment à affronter sa carte du trivial. Ah oui, oui. Avec l'aide de Frédéric, bien sûr. J'ai Jean Valjean qui me demande en ami sur Facebook. C'est un truc bizarre. Ah ouais. Mais t'es encore vivant. Tu n'es pas mort, lui. Tu peux éviter de Facebooker pendant l'émission. Excuse-moi, j'étais en train de. Effectivement, je suis désolé. Mais vas-y, regarde, il tweet. Regardez-le, il tweet. Donc on disait donc... Voilà la carte. La carte. Ah oui, c'est leur carte. Ah, alors moi je vais prendre. Donc on a fait 6 points. Entrée. Donc vous avez déjà pris 6 points, oui. Donc là, but du jeu, bien sûr, c'est de réussir à répondre aux 6 questions. Alors surtout, n'hésite pas, si tu sais, t'es sûr, ouais, tu dis cash. Cash. Non. Et nous, est-ce qu'on peut dire cash? Si tu peux faire cash, mais cacher Maurice. Cash. Nous, on a le droit de dire cash ou pas? Non, pas là. Ah d'accord. Non, on peut pas là. D'accord. C'était tout. Voici votre question. On écoute. Quels sont les trois pays qui entourent la Finlande ? Cash ! Mais pas toi ! Ah, pas moi. Cash ! Je n'en ai aucune. C'est de la France, là, mais... Il faut les trois ? Oui, ah bah oui, il faut bien les sûr. Trois. Eh ben, Finlande, déjà. Non. Il y a trois pays autour de la Finlande. Je sais même pas où c'est. C'est vers l'Argentine, non, côté, c'est, non ? C'est vers l'Argentine, ce truc-là, non ? Oui. C'est à côté de la Papouasie. Ça va être ça. Plus au nord encore. Non, il y a quoi ? Il y a l'Islande qui est à côté ? Ouais. On se concerte. Ah, merde, non. Moi j'avais Suède dans la tête, pardon. Autant pour moi. Ah ben il y a pas la Suède à côté. Alors on va dire Norvège. Norvège. Suède. Oui. Et Islande. Allez. Norvège, Suède et Islande. Non. Norvège, Suède et Russie. Oui. Wow. URSS. Hein. Ah ben non, c'est la Russie maintenant. Maintenant c'est la Russie. Qui? Je suis resté en 84. Alors, ah oui, c'est vrai. Il reste. Qui a réalisé? Oui. Qui a réalisé Jamais le dimanche? Oh, Cash, Jules Dassin. Oh, il est bon. C'est le frère de Jean. Ah, attends, c'est son boulot, c'est ça serait dommage. C'est le père. C'est le père. Sinon, c'est le père, on écrit maître commandé à son patron qu'il le vire. Ah. Que signifie le D dans Franklin D. Roosevelt? Cash Delano. Mais il connaît cette carte par cœur ou quoi? Non, ça s'appelle la culture, monsieur. Ouais. Qui est l'auteur de La guerre du feu? Non. L'auteur, hein? Pas le réalisateur. Ah, l'auteur. Ah, ah. Réalisateur, je sais. Carré. Alors, je vais plus là-bas. Là, je n'ai pas. Je le connais, mais je l'ai plus en tête. Ça, Maurice, non, moi, je vais pas. C'est de ton époque. C'est enfin, l'histoire. Qui l'a réalisé. L'histoire. Hein, c'est Anneau qui a réalisé ça. C'est Jean-Jacques Anneau. Oui. Je sais pas qui c'est. Non, si vous ne savez pas, je sais pas. Joseph-Henri Rony aîné. Oh. Ah, c'est bien. Ah, fait, c'est marrant. J'avais pas ce nom-là en tête. Non. Hein. C'est bien. À quel produit correspond cette formule secrète? 7X. C'est tout? T'es cash! 7X? Oui. Je suis nul en maths. À quel produit correspond cette formule secrète? 7X. Moi, je cache. Le Coca-Cola? Coca-Cola? Cash, Coca-Cola? Oui. Nana! Attends, je suis sûr que non, ça fait qu'un point, hein, ça. Ah bah non, je suis l'invité, c'est deux points. C'est une Coca, c'est bien. Et enfin, quel art El Cordobès pratiquait-il? Cache la corrida. Toi, t'es bon, Frédéric. Oh là là là là là là. C'est truqué, hein. On a récupéré le point que vous nous avez piqué. Ça fait combien, là? On n'y est pas brûlé. Alors là, ils sont à 10. Hein. Ah, ouais, mène. 10 à 6, Bob. Mais non, c'est pas possible. On a 7. Ils en ont marqué un. 7. Alors, ils sont à 9. On s'en fout parce qu'il y a une épreuve à la fin où on gagne. Non, pas du tout. Ça fait 17 ou 9-7, alors? Non, là, vous êtes menés. Hein. Là, je suis désolé de vous le dire, mais... Mais ils ont eu des points communs en couchant, non? Pas du tout. En jouant à la comédie, parce qu'on a vu que Thibaut Marchand était excellent comédien. Ah, et c'est vrai que nos auditeurs... aime maintenant que la Maurice. Comédie. Maurice est très bon comédien aussi. Ouais. Et il a certaines de ses blagues. Qu'est-ce que c'est que ça encore, ces histoires? Il a certaines de ses blagues que l'on fait jouer aux invités. Ah oui. D'accord. Donc avec l'aide de Maurice. Et il y a une blague qui marche très très fort, on l'aime beaucoup. C'est la fameuse blague du sex shop. Ah oui. Bonjour monsieur. Bonjour madame, je peux vous renseigner? Bien sûr. Je suis bien dans un sex shop. Ah oui, là vous pouvez pas être ailleurs. D'accord. Je désirerais un godemichet. Oui, très bien, ben, ils sont là, regardez. Qu'est-ce que vous avez en grosseur? Grosseur, bah, on a toutes les formes. Toutes les, les longueurs. Tout aussi, on est bien. Jusqu'à combien vous allez? On a jusqu'à du 30 cm. Hein. Ah, c'est déjà pas mal. Et en couleur. Vous en avez en couleur aussi? On a toutes les couleurs. Toutes les couleurs sont là. On a du noir, on a du bleu, voilà. On a du blanc. Voilà. Exactement. Et celui qui est en dessous de l'étagère, là, en rouge. Regarde pas, il n'y a rien. Ah non, madame. Non, mais je le joue à fond. non, madame. Celui-là, je ne peux pas vous le vendre. C'est l'extincteur. Ah, quel talent. Ah, c'est, on reconnaît les pros. Hein. Yeah, c'est ça. Acteur studio. Oh. Bon, puisque vous êtes en forme, je propose une petite tournée de blagues. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Alors Manu. Ah, c'est moi. Un fou demande à un autre. Petit, peux-tu me dire l'heure qu'il est? Le fou répond, il est 125 kilos. Ah bon? J'avance, moi j'avais 35 litres. Allez. Je te confirme, t'as 35 litres, mais dans le sang. Maurice, une petite mignonne. T'as pas dû passer à l'apéro avant. T'as pas de jingle, Maurice? Sifflet. Oh, vas-y, le sifflet, pardon. Un jingle pour Maurice. De Maurice vous est présenté par la Cotorep. Cotorep, faisons bouger le handicap. Je connaissais pas celui-là. C'est un chat qui rentre dans une pharmacie et qui dit « Je voudrais un sirop pour ma toux. » Moi, je pensais que la mienne n'était pas jeune, mais alors celle-là... Oh là là là là. La maîtresse qui donne des cours d'éducation sexuelle. Alors, elle dessine un sein au tableau et demande à la classe « Qu'est-ce que c'est ?» Alors, Toto se lève et dit « Ah, ça, madame, c'est un sein. Et ma maman, elle en a deux. » Alors, bien, attends, c'est Toto. Pas fini. Attends, c'est, attends, c'est Thibaut, pas c'est fini. Pas fini. Attends. Alors, elle dessine un pénis. Toto se lève, il fait « Ah, ça, je sais, madame. Ça, c'est un zizi. Mon papa, il en a deux. Il en a un qui fait 5 cm pour faire pipi et un autre de 20 cm pour brosser les dents de maman. Elles sont mignonnes. Elles sont jeunes. À la sortie de l'école, il y a un petit garçon qui raccompagne une petite fille de 4 ans et qui lui dit tu sais, ben moi, je suis amoureux de toi. Tu es la première fille avec qui j'ai envie de faire l'amour. Et la petite fille, oh, décidément, j'ai pas de sens. Je tombe toujours sur des puceaux. Bon. C'est un type qui est murgé au dernier degré. Il a fait une beuverie pas possible. Et il arrive à l'église et il rentre au confessionnal. Et le curé lui dit « Bonjour, que puis-je faire pour vous ?» Et le mec répond « T'as du papier toi de ton côté, parce que moi, il n'y en a plus. » Alors, la blague de Thibaut Marchand. Je la découvre un petit peu en même temps que vous. Qu'a dit Adam à Ève? Tu devrais reculer, je ne sais pas à quelle taille peut atteindre ce truc-là. Bon, alors si Thibaut, tu es chaud, je pense qu'on va te solliciter pour un deuxième petit extrait de spectacle. Oui. Dans quelques instants, restez avec nous, on revient avec Thibaut Marchand. Ouais. Retour, on va se marrer avec Thibaut Marchand. Ouais. Bravo. Ouais. Ouais. Alors Thibaut, tu as vu que Maurice avait un talent extraordinaire pour raconter des blagues. Oui. Mais on peut le louer pour les soirées. Ah oui, pour les banquets, pour Bar Mitzvah aussi. Exactement, oui. Et alors toi, j'imagine qu'aussi on te sollicite pour raconter des blagues, non? Ah oui, bah en soirée par exemple, c'est du style, il nous ferait pas un petit sketch, hein, une petite blague, qu'on se bidonne, hein. Attention, j'ai prévu les tomates, hein, Thibaut, hein, Thibaut, de Thibaut. De to... Mais oui, tu es le premier à me la faire, celle-là. Pauvre type. Et dès que je dis je suis humoriste, faut toujours que je tombe sur le lourd de la soirée qui me fait ah ouais, c'est vrai, bah je te ferai des textes, tu me diras ce que t'en penses. Mais tu me prends pour qui, là? Tu crois que je vais te lancer comme ça? Déjà que j'ai du mal avec moi. Tu me prends pour Patrick Sébastien ou quoi? Ah, c'est génial. Ce mec, tu vois, je l'ai croisé en soirée, il m'a fait des blagues, et j'ai voulu l'aider. Alors tout de suite, là, il va faire un sketch. Alors c'est génial, ce mec, je l'adore. Et tu sais pourquoi je l'adore? Parce que ce mec, c'est un vrai gentil. Et tout de suite après, vous aurez le numéro de deux artistes polonais, voilà, c'est génial, ils marchent avec leurs couilles. C'est que du bonheur aux années bonheur. Et puis on finira la soirée avec mon ami monsieur Dany Larry qui vous fera un tour de magie avec son assistante Barbara. Et les gars, elle est bonne Barbara. Sous vos applaudissements, ouais. Je vous la fais gratos, celle-ci aussi. Non mais c'est chiant parce que t'es dans l'humour, faut être comique 24 heures sur 24, c'est ça l'idée? Quoi? Ta mère est morte? Wouh! Délire! Mais je vais venir l'enterrement habillé en clown! Bah ouais, je suis coco, je suis mimique, je suis comique! Wouh! Waka waka waka, eh eh, waka waka waka! Pardon, excuse-moi, condoléances quand même, oui. Non, mais en plus, ça m'est vraiment arrivé de chanter comme ça pendant une cérémonie. Oui, le portable d'un mec a sonné, puis tu sais, maintenant les gens utilisent des vraies chansons en guise de sonnerie. Du coup, j'ai fait Johnny Hallyday, allumez le feu! Wouh! 3 points! C'était pendant une crémation. Oui, bah... Non, mais c'est à cause de jeux sur Internet, là, le blind test. Vous y jouez au blind test? Vous connaissez le blind test? Moi, je connais. Là. Ah, tu y joues? Ouais, je joue. Oui, parce que d'habitude, personne n'assume. Moi, tu vas y jouer tout à l'heure. Du coup, tu y joues le soir. Du coup, tu prends des automatismes. Ça te rend fou, ce jeu fou. Hein, ça te bouffe le cerveau. Tu vis blind test, tu dors blind test, tu manges blind test. T'es en voiture avec un pote, t'écoutes la radio, tu fais Jean-Jacques Goldman, quand la musique est bonne, je t'ai niqué. Pardon, je t'ai fait peur, bien sûr. Oui. C'est dangereux, oui, surtout en plein virage. Et tous les soirs, il y a les mêmes sur ce jeu. Tous les soirs, il y a les mêmes. Hein. Les gars, ils n'ont pas de copains, ils n'ont pas de copines. C'est des pauvres types. Attends, moi, tous les soirs, j'y suis. Ouais, je change de pseudo. Bah oui, pour pas qu'ils pensent que je suis comme eux. Et tu vois pas le temps passer avec ce jeu. Je vois, moi, le matin, ma copine se lève. Oui, parce qu'elle, elle a un vrai métier. Et toi, t'es dans la cuisine avec tes écouteurs posés sur la table de cuisine. T'es là, Michel Sardou, la Java de Bro. Oh, ma chérie, t'es déjà levé. Putain, il est déjà 6h du mat, hein? Ah bah là, j'étais en train de bosser, là, comme un malade, hein? Oui, bon, je finissais ma lettre de motivation. Hein. Bon, allez, traîne pas trop, hein, tu vas être en retard. Hein. Moi, je vais me recoucher. Non, mais j'ai diminué ma dose de blind test, quand même. Je suis allé au BTA, blind test anonyme. Oui, j'arrête de perdre mon temps sur Internet. T'as vu, maintenant, on perd notre temps sur Internet, c'est un truc de fou. Hein. Je regarde la télé, c'est pas mieux. J'analyse plus les choses. Par exemple, l'autre fois, je me disais, qui fait les pubs? Ils ont des diplômes, ces gens-là, comment ça se passe? À un moment, il y a une pub pour les rasoirs, pour nous, les hommes. T'avais quand même la voix de Bruce Willis qui te disait, pour un meilleur rasage, changer de lame. Il croit quoi, lui? Qu'on va attendre qu'on se tranche la carotide? Génial! Je vais enfin pouvoir changer de lame. Il y a la pub Silly Bang aussi. Silly Bang, dites adieu à la saleté, dites adieu à la connerie. Ouais. Moi, c'est pas le produit qui m'intrigue. Non. C'est leur salle de bain. Ils la trouvent où, la salle de bain? Non, mais les murs sont marrons. Mais marron, tu vois, un marron qui n'existe même pas d'ailleurs. Hein. Ils arrivent à te foutre de la rouille sur une cuvette en plastique. D'où ça rouille le plastique. Alors maintenant, moi, ils m'ont foutu les boules quand je vais faire caca. J'ai peur d'attraper le tétanos. Et au milieu de cette salle de bain, t'as une espèce de grande connasse face caméra qui te fait « Silite, aide-moi, c'est tout sale ». Ah non, c'est pas tout sale, faut tout refaire là. Même une salle de bain dans une prison en Bolivie est mieux entretenue. Comment tu t'es démerdé? Alors la suite, Maurice. Alors c'est au théâtre Pandora, au 30 rue Keller, dans le 11e arrondissement à Paris. C'est tous les samedis soirs à 19h30. C'est le 21 et le 28 janvier et le 18 et le 25 février. À Paris. Ouais. Et puis dans nos belles régions de France. Et dans toute la France. Oui, dès qu'on te demande. Voilà, exactement. Et sur tous les sites internet. Et vous avez un numéro de réservation. Tout à fait. Oui. C'est le 01 47 00 88 01. Oui, d'ailleurs, le Secours Populaire, on devait s'excuser officiellement auprès d'eux, puisque la dernière fois, tu t'es trompé pendant toute la soirée. Tu as donné le numéro du Secours Populaire au lieu du numéro du théâtre. Donc, ils ont pris les réservations, hein, quand même. Ils ont été sympathiques. Voilà, mais ils attendent ton chèque. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, les sites, on n'a pas dit les sites internet. Oui. Alors, site, il y a mon site tibmarchand.com et vous pouvez me retrouver sur Facebook également. Donc, c'est Thibaut Marchand. Thibaut Marchand. Avec un D. Avec un T. Au début, oui. À Thibaut. Et à la fin. Ah, à Marchand, oui. Marchand, un D. Comme un Marchand. Comme Guy Marchand, finalement. Voilà, comme Guy Marchand. C'est ce que je disais. Mais Thibaut avec un T. Hein. Ah, bah oui. Sinon, ça ferait Thibaut. Oui. Alors, c'est ridicule. Cher Thibaut. Mais non. Regardez-moi. Ah, Thibaut. Ah non, il a dit non. Hein. C'est vrai. Ah, oui. Moi, j'ai eu chaud parce que j'ai failli faire un quiz. J'ai failli le mettre dans mon quiz. Ah, bravo. Tu vois, j'ai désamorcé le truc. J'aurais été le gros con de la soirée. Merci, Thibaut. Comme d'hab. Alors, voici une nouvelle partie de la main passe. Ah. Et cette fois-ci, c'est comme tout à l'heure. Voilà, tu vas avoir la main. Je vais essayer de vous faire trouver un département français. Ah. Et là, Bob est très fort en géographie. Ah, vous allez pouvoir le constater. Jura. C'est comme tout à l'heure. Je vous donne des informations pendant 10 secondes, la main passe, etc. Bob, est-ce que tu es prêt? Non, ça devient n'importe quoi. Même Philippe ne parle plus devant son micro maintenant. Il se gratte le nez maintenant. C'est pas possible. Il y en a un qui s'est gratté le cul tout à l'heure. Ah, qui? Oui, non. Et il a mangé des curlis après, on dira pas qui c'est. Maurice. Non, Maurice, est-ce que tu es prêt? Il t'en reste dans la moustache. De quoi, des curlis? Non. Bon, allez, stop. Attention, top. Le bocage bourbonnais couvre la plus grande partie ouest de mon territoire, suivi de la Sologne bourbonnaise pour la partie nord-est, la montagne bourbonnaise. C'est à qui de répondre là? C'est vous. C'est à nous. Ben moi je pensais au 89, mais. Ah non. Lyon? Non, c'est pas Lyon. Faut donner le numéro ou faut Non, faut me donner le département, pas le numéro. Si vous connaissez le numéro, vous connaissez le département. Le Loiret, non? Non. C'est pas ça. Non. 44, c'est. Nantes. C'est Nantes. Loire-Atlantique. Non, c'est 49. 44. Fêtez ton loto, Maurice, profitez-en. 44, c'est Nantes. C'est Nantes, oui. Oui. D'accord. Alors, c'est quoi comme département? C'est Loire-Atlantique. Loire-Atlantique. Oui. Loire-Atlantique. La Loire-Atlantique. Non. Oh. La main passe. Top. La montagne bourbonnaise qui est le toit du Bourbonnais avec le Montoncel qui culmine à 1287 mètres. Ah bah si. Enfin, dans le sud de la province, la Limagne bourbonnaise qui s'étend de Varennes. Non, bah vas-y, continue. Non, c'est fini. Ah non, bah alors c'est pas du tout là où je pense. Mais la Sologne. Bah oui, la Sologne. Eh oui. C'est beaucoup plus beau, plus haut à l'est, ça fait dire. Quoi? Non, mais vous allez pas non plus regarder la carte de France. Frédéric Coster, restez à votre place. Ne trichez pas. La Sologne. Mais la Sologne, c'est pas dans. C'est dans le centre. C'est pas vers la. C'est en dessous d'Orléans, la Sologne. Oui, c'est pas vers Tours. Bah, alors. C'est vers la Touraine. C'est alors, Bourges. Donc vous me dites. Eh ben, l'Indre-et-Loire. L'Indre-et-Loire. Non, bah non. Top. Je vois pas le un Cher. Mot à lui mettre. Attendez. Ne vous excitez le pas. Le Cher. De voici. Alors, Bob, top. Ouais. Qui s'étend de Varennes à Ghana. Varennes. Pays frontière au milieu des terres. Je constitue réellement une zone franche entre nord et midi. Largement ouvert aux influences atlantiques, le département bénéficie d'un climat doux et humide. Alors là. L'Aube. Alors là. L'Aube ou l'Aube. Apparemment, il faut qu'on descende. L'Aude. Ouais. Non. Puis on a des auditeurs dans cette région-là. Plus bas la Vienne peu, un... Vous ah, me la dites la Vienne. Ah non, c'est pas de ce côté-là, c'est au nord de... La... Mais je croyais que Bob était très fort c'est en géographie. Ah non, pas en France. Oui, c'est ça. Il est très fort en géographie, mais pas française. L'URSS, plutôt. Non. Alors, au hasard Le Puy de Dôme, c'est comment? Dans 63. Le Puy de Dôme. Oui, le nom. Non, c'est le Puy de Dôme. Le Puy de Dôme. Non. Non, c'est pas ça. Non. La main repasse. Oui, c'est... Top. Mais ta gueule. Je suis situé dans la région d'Auvergne. La Haute-Loire. La préfecture est Moulins. Ah, lycée l'Allier. Et la poste m'attribuent le code 03. L'Allier. Pour l'anecdote, je suis d'Auvergne. C'était en dessous de la Vienne alors. Hein. Juste très bonne région, les Vernes. Bah écoutez. Oui, mais vous avez fini là, les papilles. Bah écoute, Maurice, on voit que tu prends pas souvent la voiture. Hein. Sologne, c'est pas là. Hein. La Sologne, c'est pas là quand non, mais même. Je vous ai pas dit que c'était en Sologne, mais. Ça... Non, mais. Ben, en Sologne, par contre, il y a une très belle eau minérale. Ah, la fameuse eau de Sologne qui est très connue. Donc, si vous voulez pour vos barbizas, oui, oui. Ah bah moi je fais, voilà. Ah bah moi je mariage, suis un peu, enterrement. Je suis un peu le spécial. Ah oui, moi les enterrements, je suis très fort. Ah. Ah, moi je commence déjà premier jeu de mots déjà avant que le cercueil arrive. Je dis la mariée arrive à quelle heure. Allez, on rigole. Juste. Donc Frédéric vient de cracher sur son micro, une énorme baffe coule le long du micro. C'est le sien personnel. Hein, donc okay. On salue tous nos amis en Auvergne qui nous écoutent nombreux. Oui. Et on vous propose une très courte pause pour un retour immédiat après la pause avec une épreuve dramatique c'est dans comme l'émission. Ça, c'est comme ça que la femme de Bob a parlé de leur dernière relation sexuelle. C'est-à-dire une très courte pause. Je pense que c'est dramatique. Donc, oui, l'épreuve suivante est dramatique. C'est l'épreuve de la photomiste. Oui, c'est oui. Radiophonique, ça. Oui, très. Ouais. Reste avec nous. On revient avec Thibaut Marchand. Ouais. Retour d'On va se marrer avec Thibaut Marchand. Alors Thibaut, tu te mets dans l'ambiance. On t'a prévenu en début d'émission, il y a une épreuve terrible. Oui, oui. Il enlève les punaises, regarde-le, il est tombé avec au mur. C'est l'épreuve de la photo mystère. Chaque semaine, nous confions à Maurice une photo mystère qu'il essaie de vous faire découvrir. Qu'il est con. Donc il vous donne des informations très importantes. D'accord. Par coup de 10 secondes, 10 secondes d'info à son équipe. Il peut pas plus. Voilà. But du jeu, bien sûr, c'est de faire trouver ce qu'il y a sur sa photo mystère. Pendant les 10 secondes. Exactement. Ah, 10 secondes, je fais mieux, merde. Il n'a absolument pas le droit de prononcer le mot, le nom de la photo mystère, ni un mot interdit qui pourrait vous faire trouver plus rapidement. D'accord. On va, comme d'habitude, commencer par ton équipe. Et comme d'habitude, c'est toi qui lance le chronomètre pour ne perdre aucune seconde, Bob. Oui, hein, je crois que c'est important. Hein. C'est très important. Alors attention, voici 10 secondes d'information capitale. Stop. C'est un animal qu'on trouve dans la nature qui a... un animal sauvage qui a du poil. Un yon. Ah, qui a du poil. Un yon. Déjà, on sait que c'est pas un oiseau. Tu sais qu'il y a, c'est un animal c'est qu'on trouve dans la nature, sauvage. Voilà. Un lion. Avec des. Allez, un lion. Un lion. Non. La main passe. C'est maintenant pour vous, Thibaut et Frédéric. Top. Il a des petites oreilles, un petit gabarit, qui cherche beaucoup. Oui, parce que je veux pas un furet. Toi, excuse-moi Maurice, mais toi tu cherches les emmerdes. Un furet. Tu cherches beaucoup. Un furet. Hein ? Tu dis un furet toi ? Non, je sais pas. Allez. Mais si, c'est vrai, ça dit furet. Un curé. Un furet. Mais les furets, il y en a des sauvages. Oui, il y en a de tous les couleurs. Mais il y en a pas, ils sont pas, c'est pas domestique un furet. Ah si, ça peut l'être. Ça s'appelle un furet, oui, ça le... peut. Ah non, c'est domestique. Non, ça s'appelle un furet. Oui, non, mais c'est domestique. Dans ce cas-là, c'est un furet. Voilà, à l'état sauvage, ça s'appelle un furet, mais domestique. Furet. Voilà. Je crois, je suis pas sûr, mais. Mais ça existe dans les deux. Alors, attendez, Non, mais... Gennaro, il y a contestation. Alors, vous me dites. Un furet. J'ai foutu furet, la... Maurice. J'ai foutu la main. Non. Ouais. La main passe. Attention, Bob, là, il faut bien écouter les informations. Il faut qu'il donne les bonnes informations, surtout. Il faut savoir si c'est un prédateur, tu vois, ce qu'il mange. Ah, la couleur. Voilà, ce qu'il mange, c'est important. Ça, on sait pas encore. Hein. Ah, la couleur aussi, c'est important. La couleur, la couleur. Tu l'as pas donné. Stop. A une fourrure de deux couleurs, blanche et noire. Oui. Un furet. Un skonx. Un skonx. Non, pas skonx. Le putois, quoi. Hein, moi, je pensais à. C'est skonx. Skonx, oui. Là, non, mais un putois, il t'aurait déjà dit qu'il pue, non ? Mais non, oui. C'est le mot interdit qui pue. C'est le mot interdit, hein. C'est le mot interdit, peut-être. Non, c'est non, ton non, jeu non. qui pue non. Alors, c'est... moi, j'avais une autre idée, mais je vais attendre. Alors, vas-y. Ah, non, une seule réponse. Une seule réponse. On l'a dit, hein, le putois. Non, c'est pas ça. Noir et blanc. Oui, c'est vrai. Ça marche de tout. T'as pas dit stop ? Ah oui. Ah, stop ! Alors ça mange de tout, on le trouve dans les champs, dans des greniers. Ah oui. C'est désagréable. Ah bon, c'est désagréable. Elle est très désagréable. Celui-là, il est très désagréable. Dans les greniers, on trouve des loirs. Mais noir des rats aussi. Mais c'est pas noir et blanc. Ouais, c'est gris. Un rat noir et blanc. Ah, ça arrive, oui. Hein, il peut y en avoir des noirs. Non, et... non, non. Bah, dans comment Ratatouille, il est quelle couleur? Ouais. Moi, je dirais un Loir. Ah, vas-y, alors, Loir. Ah, un Loir. Comme non. Le non. Oh là là là là là là. On n'a pas la taille. Hein, ah, la taille, Maurice. Alors, mon idée, c'est pas la taille. Oh, Maurice, à mon avis, c'est des 56. Ça mange de tout, qu'il a dit. Hein. Oui, oui. Stop. Ça a une taille d'environ 80 cm de long. Oh, oui, 50. Mettons 50. 50 cm, qui a des petites pattes. Non, ça y est, c'est fini, Maurice. Hein. Oui, ça y est, fini. C'est fini les 10 secondes. Alors, 50 cm, ça représente quoi, Bob, à peu près? Ça. C'est ça, oui. Oui. Ah oui, oui, oui. Avec des petites pattes. Ça vit dans les greniers. Mmh. Ah oui. Une chenille. Ah oui. Si. Ça vit dans les greniers. Non. Peut-être ça pas. Ça va dans les greniers. Non, non, non. Ça oui. peut se trouver. Il vous a pas dit que ça vivait, hein. Il vous a dit que ça y allait. Ah. Pour se promener, il passe. Ça a combien de pattes? Ouais, pour se promener, il y a d'autres manières de faire. Moi, au départ, je pensais à un koala, mais c'est pas ça. Non. Attends, ça mange de tout. Hein. Non, mais... C'est ouais. pas un prédateur, donc. Hein. C'est pas un rat. Non, mais je te rappelle un que panda, c'est Maurice moi, qui je parle. Un panda. Un oui, koala. Non, mais c'est pareil. Bon, alors. Alors, attends. Et il vous a quand même donné des informations. Non, non, un labrador. Non, il vous a donné des. C'est noir et blanc. Excusez-moi. Excusez-moi. Oui. C'est noir et blanc. Il vous a donné des informations. Oui. Mais on ne sait pas si elles sont bonnes. Oui. Ah, si. Ah, c'est le problème. Si. C'est noir et blanc. Oh, une télé. Il a dit. Il a dit c'était noir et blanc. Un bon. Film de Jean Gabin. Une télé. On noir, cherche, blanc, on cherche un animal. Canal noir Plus sans décodeur. De. Voilà. De 30 cm maxi. Ils l'ont dit le furet tout à l'heure. Oui, oui furet, oui. Mais tu peux le redire si tu peux veux. Le redire. Non, non, mais ça la doit fouine, être équivalent non, à ça. Je pensais bien à la fouine, mais la fouine, s'il n'y a pas blanc du tout. Ah, la belette. Non, non mais attends, tu vas dire combien de réponses? Alors, mais la belette, c'est un prédateur. Quelle est ta réponse? Parce que là, t'en donnes plein de réponses. Ouais, alors, tu dis la quoi? Fouine, la, fouine, la fouine, la fouine, la fouine, la fouine. Mais attends, ça mange de tout. La fouine, ça mange pas de tout. C'est un. Mais n'en sais rien. Ça mange pot, que de la viande. Ouais. Hein, on va au ouais. troquet, on va prendre un pot. Ouais. On va au balto. On va dire la fouine alors, mais bon. Alors, vous dites quoi? La fouine. Oui. Ah! Ah! Ah oui. Eh oui. Ah! Ah non! Ah! C'est un furet, une fouine. Ah oui. C'est la même face. Tu vois, on était pas loin tout à l'heure. La fouine, non, là... c'est le furet sauvage. Eh oui. Ah oui. Alors moi, je propose un point chacun. Ah non, non. Alors, oui. Alors maintenant... Ah non, non, c'est pas... Maintenant... C'est pas le même animal. Hein. Maintenant, il nous faut la... Hein l'âge de l'animal. Le super moite-moite. Alors le mot interdit, à votre avis. Le mot interdit pour une fouine. Le mot interdit... Sarkozy. Pour la fouine. Le mot interdit l'odeur, pour une fouine. Ouais. Non, la fouine, c'était Christinocrène. Né. Qu'on appelait la fouine. Qui ça? Oui, enfin bon. Voilà. Alors, le mot interdit. Dans les guignols. De... Ah oui, c'est le nez, non? La fouine. Non, vous n'avez pas d'idée, pourquoi vous non plus. Un animal qui a du nez, tu sais, un truc. Alors, c'était quoi ton mot interdit? Un fouineur, Marthe. Tu vois, un fouineur, tu vois. Quoi la Marthe, c'est un. Oui, c'est un. Parce que c'est de la famille de la Marthe. Oui, oui, c'est un cousin. C'est un cousin de vie. De la marque Mercadier. Oui, Mercadier. Oui. C'est quoi Bon, bah, le n'empêche que le point est marqué, Bob. Là, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas c'est de contestation fouine. Possible. Bravo. Tu vois, j'ai bien fait d'insister sur la fouine quand même. Non, c'est un furet. Non, non, non, c'est une fouine. Bon, puisque vous savez comme ça, une petite tournée de blagues. Non, non, si. Eh ben non. Eh bien, si. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Alors, Manu, pourquoi les militaires ont-ils un chromosome de plus que les chevaux? Ah, on sait pas. Un neurone peut-être de plus. Non, un chromosome pour ne pas chier pendant la parade. Les vieilles. Allez, la blague de Maurice. Mais je la connaissais avec les majors. C'est présenté par la maison de retraite des Trois Poussins. Maison de retraite des Trois Poussins, la maison où on finit bien. Pourquoi lui ses blagues il les embraille? Je comprends pas. Un pilote veut atterrir sur la piste. La tour de contrôle lui demande: communiquez-moi votre position et votre hauteur. Le pilote lui répond: je suis assis et je mesure 1m80. Oh là là. J'aurais dû la faire avec la sambelge. Non non, on n'applaudit pas. Non, non. Non, Bob, pas. Deux copains. Oui. Tu fais quoi après l'amour? Je baise. Je dors et toi? Ah ben moi, je rentre avant que tu rentres. Oh non, Thibaut, vas-y. Enfin, une bonne nouvelle pour notre pouvoir d'achat. En 2012, le jeton de caddie de supermarché restera à 1 euro. c'est une bonne nouvelle. Alors, juste après cette très courte pause, oui. Frédéric Coster, comme non, chaque semaine, non, rien parce qu'il m'énerve l'autre, va nous le sortir. Ah, je suis tombé sur une bonne là. Oui. C'est quelque chose. Non, c'est juste un petit quiz. Oui, c'est un petit quiz. N'ayez puisque, pas peur. Alors, puisque tu aimes les blind tests, c'est un blind test. Ah. Exactement. D'enfer. Restez avec nous. On revient avec Thibaut Marchand. Ouais. Retour au Basse-Marais avec Thibaut Marchand. Ouais. Et Thibaut, pour la fin de l'émission, Frédéric t'a réservé une petite surprise. Et oui, car toutes les semaines dans On va se marrer, je fais un petit quiz, un petit blind test, puisque tu aimes bien ça, voilà. En rapport avec les invités, leur spectacle, etc. Et tu m'as bien donné du fil à retordre. Parce que j'ai pas trouvé de quiz qui avait un rapport. Parce que, comme effectivement tu nous l'as dit, ton spectacle, il n'y avait pas un thème, il y avait plein de thèmes. Voilà. Alors, j'ai cherché quelque chose qui pourrait être fait avec ton prénom, Thibaut. Mmh. Et j'ai trouvé un parolier qui s'appelle Gilles Thibaut. Alors, c'est tiré par les poils du... Hein. Un parolier qui s'appelle Gilles Thibaut, qui a eu de multiples interprètes. Donc vous allez entendre 8 extraits de chansons qui est écrites par Gilles Thibaut. Ah. Et il faut me donner le nom des chanteurs. Ah, bon, c'est marqué Thibaut à chaque. Non. Tu sais que c'est Gilles Thibaut qui a écrit les chansons. Il y en a combien ? C'est dommage. Tu avais Jean-Marc Thibaut aussi pour le théâtre. On aurait pu. Le premier extrait, rappelle-nous. Premier extrait. Oui. Qu'est-ce qu'on va entendre en premier ? C'est le jingle. Le jingle. Sous les mers blancs de vieux bateaux noirs, j'ai découvert des trésors. La mer est sans secret pour moi. Mais je n'en veux pas. Non, je au milieu de la mer. Il est bien trop belle pour être vraie. Trop belle, bien trop belle pour moi. Et pourtant tu dors près de moi. Mais j'ai toujours vu dans le ciel renaître le soleil. J'ai compris pourquoi mon père, que par les ombres du fer, j'ai compris pourquoi ma mère, entend de près d'affaires, comme d'habitude. Ah, alors Bob n'arrive pas à trouver un... Il y a un des interprètes que tu n'arrives pas à trouver. Ah. Pense à son pays qui ne va pas bien en ce moment, son pays d'origine. Ah oui, bah je barre, alors c'est pas ça que j'ai pensé. Tu avais mis qui ? Mort Schumann. Ah bah non. Oui, mais c'est ce que j'ai mis, c'est ça, ce que moi. Thibaut, t'en as combien ? 6 quand même. J'en ai 4. Non, 5. Le 6, il n'est pas bon. T'en as 3, pardon. Le 6, il est pas bon. Ah bon. Oui, parce qu'en fait, parce que tu regardes sur ma fiche. Ah ouais, tu triches. Bah maintenant, du coup, je l'ai. Hein, j'ai reconnu sa voix, mais j'ai pas. Ah oui, c'est vrai que. Manu, t'as trouvé le premier. Le premier, tu l'as trouvé. Oui. Non, c'est quoi? Le tout premier, tout premier. Hein. Non, c'est le jingle. Ah, c'est bien. On vérifie toujours si. Après, c'est Miguel, mais il l'a. Mais moi, je. Alors, Thibaut. Michel Sardou. Bravo. Bah oui. Ah oui. Paul Naref. Eh oui, Michel Polnareff. Très bien. Ça, c'est effectivement Marie Laforêt. Oh, bravo, bravo, Bob. Bravo, les anciens. Marie Laforêt. C'est pas elle qui chantait il a neigé sur Yesterday, non ? Mais oui, cette année-là, même en été. Les vendanges de l'amour. Ah oui. Le 5, non, le 4 aussi. Bah, le 4, tu l'as, Thibaut. Ah oui, Johnny Hallyday. Oui, je suis con. Très bien. Non. Oui, je l'avais en fait noté. Non, non, non, c'est pas. Et je suis sûr que Philippe qui fait le fier, je suis sûr qu'il l'a pas non plus. Et si tu te trompais alors parce que j'avais marqué Vartan. Ah non, c'est après. Non, c'est après. T'as dit ça, Sylvie Vartan. Ah non, c'est pas. Ah, pourtant, c'est juste un prénom et tu devrais trouver. Sheila, qu'est-ce que Philippe. Je connais comme chanteuse, non. Moi, de Ringard. Mais c'est un chanteur, c'est pas une chanteuse. Ah non, c'est non, c'est quand même. Je peux vous dire qu'il a été marié avec une chanteuse blonde de Michel Provence. Berger. Non, de Provence, une chanteuse blonde provençale dans les années 60. Il était marié avec elle. Stéphane Chardenne. Il était il était marié avec Michel Thor. Ah bon ? Qui c'est qui était marié avec Michel Thor ? Elle a été mariée, Michel Thor ? Moi, je croyais qu'elle était lesbienne. Qu'est-ce que dans les années 60, il a fait des dessins sur le sable. Aline, Christophe. Voilà. C'est pas vrai. C'est Christophe. Les mots bleus. Pardon. C'est moi qui l'ai. Le même. Alors le 6, Demis. Demis Rousseau. Ben oui. Ah oui, Demis Rousseau. Son pays d'origine, il le portait sur lui il y a quelques années. Bah c'est dommage que Gégé soit pas là. J'ai vu que c'était Vartan. Billy, moi. Dans ton micro, c'est mieux. Oui, mais j'ai mis Annie Cordy. Non, mais non. Mais non, Vartan. Eh oui, c'était pour Gégé. Ah ouais. Moi, j'avais pensé que Gégé serait là. J'avais mis Billy. Il a bien connu son coiffeur. Bon, bah ça. Le dernier, c'est facile. Clo-Clo. Toi, t'as trouvé. Claude François, oui. Oh. Bah, alors, bravo, Thibaut. Ah, bah oui, ça mérite. Alors, merci. Malgré les trois, l'âge moyen, 75 ans de tous ces chanteurs, il en a quand même trouvé pas mal. Hein. Bravo, pas mal. Bravo c'est à vrai. Thibaut. Alors, est-ce que vous avez vu quand c'est même, il y a évident. Un truc qui est très drôle, toi qui aimes bien la télévision, oui. Que le soir où ils ont passé à la télévision à la recherche du nouveau Claude François, oui. Sur l'autre chaîne, il y avait une semaine sans électricité. Extraordinaire. Ah ouais, c'est bien. Bravo à Thibaut encore une fois. Bravo, c'est bravo. Ouais, c'est pas évident. C'est vrai, c'est vraiment des anciens. Hein. Oh, on marque des points pour l'équipe. Bravo Thibaut. Bravo Thibaut. Les acclamations. Ah, bravo. Les acclamations de Don Salus. Bravo. Merci. Don Salus. Ah, c'est bien. C'est sincère, c'est sympathique. C'est je crois qu'il vous acclamait pas là. Monsieur est riche. Je me vengerai. Bon, alors, il est temps. De faire les totaux. Totals. Non, là c'était juste pour le plaisir, on marquait pas de points. Oh, ah oui, ah ouais. Oui. Mais alors je dois dire quand même que l'équipe des têtes de vainqueurs, ouais. En l'occurrence Bob, Maurice et Manu, vous avez bien assuré ça. C'est quand même, faut quand même le dire. C'est bien qu'on a mais, on est... mais ça n'a pas suffi, c'est ça qui va. 8 points de marqué. Ah, oh, bravo, bravo. Applaudissements. Bravo. Plus fort. On va pas se faire des ampoules. L'équipe des petits cons. Vous écrase avec 11 points. Oh là là! Non. Il nous écrase pas. Bon, je crois que en dehors de ça, on s'est bien marré et c'était on va continuer bien. À se marrer en allant voir Thibaut Marchand, Boris. Ah oui, qu'en pense Boris. Au théâtre Pandora, 30 rue Keller, dans le 11e arrondissement à Paris. Les nouvelles dates sont le 21 et le 28 janvier et le 18 et le 25 février, c'est tous les samedis à 19h30. Oui, en même temps, les quatre dates que tu viens de citer, ce sont des samedis. Donc le samedi à 19h30. Et le titre du spectacle, c'est Thibaut. Voilà. Non, pas dit. C'est Thibaut. Voilà. Je pensais que c'était un titre facile à retenir. Pas du tout. Ça dépend pour qui. Mais c'est Maurice qui est pas facile à retenir. Alors, Thibaut, oui, il y a le site internet, il faut quand même le rappeler aussi. Thibmarchand.com et Facebook. Et la page Facebook, Thibaut avec un T et Marchand avec un D. Voilà. Et billet réduc pour réserver. Et Thibaut AUT. C'est compliqué ton nom finalement. Oui, hein, t'as vu, voilà. Bon, avec merci. Merci à Thibaut et encore merci à vous. Bravo de ta participation. Merci. Bravo. Deux choses importantes, si vous voulez retrouver le podcast de l'émission, c'est sur onvasemarrer.com, sur iTunes chaque semaine, et puis la page Facebook, la page Facebook On va se marrer pour la photo de l'émission et les infos de nos invités. Cliquez sur j'aime. Bonne semaine, yes. À la semaine prochaine. Ciao.